coulera hors de mes veines malades. Mon soleil ne sera plus qu'une forme ronde, comme fruit trop mûr dont l'écorce se fane. Ce soir, dans un coin d'existence troublée.